J'ai commencé le rap, j'avais de la drogue dans ma cuisine. Boîte de conserve, cassoulet dans ma cuisine. Plus les cousins, enflammant leur sang avec ta bière allemande renversée sur les coussins. Mon rap à l'odeur des cuisses des cousines veut nous offrir le poulet plus le riz et les oignons marinés dans le citron parrainé par le goudron. J'ai appris dans les vapeurs d'Afghan avec mes potos fonce des pépélèves. Ce qui me rappelait presque l'odeur du poisson braisé. Bœuf, côte, cacharelle, bonnet, la coche de côté. Je voulais peser, juste être le premier à le faire. Être passé par Yaoundé où les menottes n'ont pas de clé. Entouré de Nico, échappé de la guerre du Congo. Nos avions du sport calibré pour défendre notre bongo. J'ai atterri parmi les lions du quartier. W m'a dit t'es trop monstre pour ne pas savoir rapper. Mes potes ont tous eu le dédiole driver. Ils ont tous une tache sur le front, soit par la prière, soit par un sniper. Les bécanes s'enflamment comme dans Ghost Rider. J'ai perdu deux potes l'année de Darok Wider. Ma gueule de quelques années qui me pilotera. La haine du petit Nicolas, peut-être la rage d'être une tête mécra comme Niki Loda. On bronze tu le corps car les gos volent des bottes en bois constructeur. Sors de la cage au lion, pas de la cage au folle. J'dégobie mes tripes derrière le microphone. Pour les tolards qui s'astiquent le chip comme un saxophone. J'suis beau comme une boîte à outils Facom. Fier de mon sourire en dancy. J'suis au taquet comme Susan fait. Bombarde, décolle pas le pied du champi. J'ai jamais vu la gueule d'un amphi. Vous parleriez des mêmes choses si vous chantiez. Pourquoi les aérois s'habillent en rouge? Pour se foutre de la gueule du diable en jouant avec ses cornes en mode Toléador. Si j'ai des Pegasus rouges, mon pote, c'est que nos boutons bu gravés. T'es AK-47 au bloc, il pleut du sang à coup. Et même avec mon petit mètre 70, je passe pas entre les gouttes. Les bijoutiers de Monaco me doivent un gros bill. Ils ont fait raqueter les diamants de mon bled contre un sac de riz. BMW n'a pas de mérite. La tôle et le gasoil vient pas de Munich, mais d'Afrique et d'Arabie Saoudite. Cousin, je suis pas jaloux de ton Ferrari, je suis pas une vendeuse. Mais elle est rouge comme une machette rwandaise. Je suis la version zaéroise de Mick Jagger sans la dope. Le dernier survivant de Bullet Stones. Critique-moi, je plotte d'un moment. France, je suis venu te mettre à l'amende. Fallait pas me laisser regarder plot derrière. J'y entre, dos dos, bolos, bastos, Maxon parmi cassos, Mamadou Karimé, dos Santos, troque le cuir vachette, contre un pare-balles la drogue, les cachettes, commence le rap avec la dalle, Tony Bambola, tombolo hip-hop, faire tourner la route de force, oublie la tombola, la colère, depuis embryon, puis fœtus, enfant, adolescent, maintenant bonhomme, toujours peu de choses que je tolère. Comme un coup de tonnerre, j'évolue entre le bonheur et son contraire, avec les mêmes confrères. Dans le game, on veut me rentrer l'anguille. Que les producteurs aillent se faire baiser le 100 mètres en talon aiguille. Money cash flou, j'encule les couses, bab nègre et rap jose. Ça broute la pelouse dans le son, c'est le blues. À nous la couronne, dans mon clan, sautez vos tours. Ne confond jamais entre le pélican et le vautour. Peut-être qu'on saigne trop. Peut-être qu'on s'aime trop gros. Pour un bif, on explose comme la nitro. La police sort les armes et part en impro. C'est pas souvent qu'on se confie. Personne ne s'assiera sur nos profits. Esco, Gecko, Despo, Lalco. Diamant de conflit. Pour la street.